cours numéro 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'd. فماذا أخذنا في درسنا الأخير؟ On a pris ensemble plusieurs noms dans le cours précédent. Qui c'est qui peut nous rappeler بعض هذه الأسماء؟ عندما تفضل. اسم البر والكريم والوهاب. أحسنت. فمعنى هذه الأسماء عندما تفضل يعني الأسماء تدل على وصف الكريم لله تعالى الكميل الجميل الكمال والجميل نعم وصف الكرم وأنه سبحانه وتعالى هو المولى الجميل دائم الإحسان دونك هذه الأسماء المعنى لمتقارب C'est pour ça qu'on répète Al-Mu'allif Rahimahullah, il les cite ensemble. Al-Barr, Al-Wahhab, Al-Karim, celui qui donne sans compter Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Ghani, il possède tout. Al-Insan, l'être humain, c'est le Faqir, il ne possède rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut, subhanahu. Kadhalik, هذه الأسماء, on verra. Plus de détails dans ces ma'anis, ou inda ism al-Rahim ou al-Rahman. Celui qui a compris hadhihi al-ma'ani, celui qui a compris le sens de ces noms, enfin, ça va impliquer des choses dans sa vie de tous les jours. Inda man, tfaddal. Hubbullah subhanahu wa ta'ala. Limada lianna celui qui se rappelle d'Aïman, étant pas dans l'insouciance, en Allah Azza wa Jal, c'est lui qui lui a donné toutes ses ni'am, que ce soit ni'am diniya ou ad-dunyawiya, tout ce qui est lié à la religion, ou ce que tu as besoin dans ta vie de tous les jours, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi akramak, wa a'taak, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le karim, c'est le mu'ti, c'est le wahhab. Donc tout ça, bien sûr, ça va augmenter mahabbatu hadha al-abd, لله عز وجل لأن celui qui te donne en général tu l'aimes Allah subhanahu wa ta'ala c'est Rabb al-alamin il te donne il t'a créé il t'a guidé voilà chaque celui qui médite ça va augmenter son amour envers Allah عز وجل كذلك on a cité quoi تفضل رحمة للخلق كيف هذا لأن من لا يكرم لا يكرم نعم لأن si Tu te rappelles en Allah Azza wa Jal, celui qui t'a donné et t'a facilité, fa kadhalik. Anta, tu facilites aux autres, bi qadri ma tastati'. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné. Wallahu fi auni al-abd, ma kana al-abd fi auni akhih. Hada, ça montre que l'insan, yashkur Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'oublie pas le khir. C'est pour ça que Allah il lui a facilité, fa huwa il facilite aux autres. Allah il lui a donné, fa huwa il donne aux autres. كذلك on a cité quoi comme معاني تفضل نعم الشكر شكر هذه النعم bien sûr être reconnaissant avec sa langue son cœur et en adorant Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres معاني qu'on a cité فالحمد لله كذلك أخذنا اسم البصير فعندما c'est qui peut nous expliquer قليلا اسم البصير تفضل نعم يبصر جميع المبصرات المبصرات نعم فالله سبحانه وتعالى البصير ويرى جميع الخلق ويبصر جميع المبصرات سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يفوتو ce qui est loin فعند الله c'est pas loin c'est قريب الله سبحانه وتعالى il y a rien qui est caché pour lui il voit tout السر و الظاهر عنده سواء c'est la même chose les choses cachées, les choses apparentes. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam ma fil quloub wa yara kulla shay, azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Et hada, bien sûr, ça va donner au 'abd, ça va augmenter sa foi, et kadhalik ça va lui permettre de mada al-thamara al-'azima min hada al-ism. Et c'est ça l'essentiel, on le répète dans l'étude des noms, bien sûr, c'est de connaître le sens, et kadhalik c'est d'appliquer. Pour appliquer, il faut connaître le sens. Enfin, chaque sens, ça va te donner un fruit azim. Enfin, مثلاً al-basir, celui qui voit tout, تفضل. لماذا عن المعاصي لماذا نعم لأن الله يراه إساء كما يقول أهل العلم سأكبر زاجر أعظم واعظ للإنسان أحيانا pour te remettre en place أحيانا quand tu fais une chose pas bien tu as besoin que quelqu'un il te montre comme les enfants ils ont besoin d'être suivis. Kadhalik, les adultes, ils ont besoin d'être remis en place, le conseil, ila akhiri. A'zam zajir. Et la chose qui va te permettre le mieux de te corriger, c'est de comprendre hadhihi al-ma'ani. C'est pour ça que wa'd an-nas, ils font certaines choses, et quand tu lui dis ne fais pas telle chose, sahih, il arrête. Limadha li'anna rubbama il a oublié, rubbama il pensait que ça se faisait. Et quand tu lui montres, il arrête. Wa'd an-nas, ils savent que c'est haram, là, qu'ils ont des faiblesses, ils font quand tu lui dis, ils se rappellent et ils délaissent. Amma, si tu connais hadha al-ma'na, même si tu es seul fi dhulumat al-layl, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Hadha, c'est akbar zajir, c'est la chose la plus importante qui va te permettre de te remettre en question. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses, quoi que tu dises, fa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le basir, il te voit. C'est sami', il t'entend. Et c'est l'alim, il sait tout, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Enfin, celui qui comprend mid la hadihi al-ma'ani, fa la shak, annahu, il va avoir des limites dans beaucoup de choses. C'est quoi qui va le permettre de faire attention? C'est al-khouf min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est raqib. Et l'insan, il est muraqab. Et tu es surveillé. Tout est enregistré. Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Fa la shak, anna, celui qui vit en connaissant ses sens, ça ne va pas être comme quelqu'un qui, ayyadan billah al-kuffar, ils ne connaissent pas ses ma'ani, ils ne veulent pas les connaître, c'est des kuffars. Et wa'ad al-muslimin, ils sont firafla dans l'insouciance. Et ils oublient mitla hadil umur. Enfin, tu les trouves, ils font des choses, ayyadan billah, très très graves. En public ou quand ils sont seuls. Amma al-salih, al-alim, celui qui veut l'ilm. Fa bi'idnillahi azza wa jal, ses sens vont lui être très très utiles. Qala rahimahullah at-tawwab. Aujourd'hui, on commence l'étude d'un nouveau nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawwab. Qala rahimahullah ta'ala at-tawwab alladhi lam yazal yatub 'ala at-ta'ibin wa yaghfiru dhunuba al-munibin. Al-Munibin, ça vient de Al-Inaba. Ça ressemble à Al-Ta'ibin, Al-Tawwabin. C'est le même sens. فَكُلُّ مَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. فَتَأَمَّلُوا هَذَا التَّفْسِيرِ الْجَمِيلِ الْوَاضِحَ السَّهْلِ. Mais si tu veux traduire هذا الاسم, فَسَ تَتْعَبُ. Les traductions, on répète et on re-répète à nos frères qui nous écoutent, les traductions, c'est pas nécessaire, et c'est pas suffisant. Ça peut être nécessaire pour certains, pour les débutants, qui n'ont pas accès à la langue arabe. Wa illa, celui qui veut comprendre hadhihi al-asma, fa'abud min dirasa. T'es obligé, akhi al-karim, de faire une étude et de faire un effort. Tu n'as pas besoin de le traduire. At-tawwab, c'est le tawwab, c'est un nom. Tu sais qu'Allah c'est Tawwab. Et le sens, qala alladhi lam yazal yatub ala at-ta'ibin wa yaghfiru dhunuba al-munibin. Et Allah subhanahu wa ta'ala yatub ala 'abdihi. On va voir que hadhihi at-tawba li ala naw'ayn. Il y a deux cas. Ay Allah subhanahu wa ta'ala facilite à hadha al-'abd cet homme ou cette femme de faire tawbah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide son cœur pour qu'il fasse tawbah. Fa fil haqiqa, at-tawfiq, c'est avant que l'insan il pense à faire tawbah, Allah il lui facilite. Thumma al-insan il fait tawbah, un acte, il regrette, il délaisse le péché, il a akhir, Allah subhanahu wa ta'ala il accepte. فلهذا قال يتوب على التائبين ويغفر الذنوب المنيبين فكل من تاب الى الله تعالى توبه نصوحه تاب الله عليه. Et ça c'est une bouchra azima pour chaque être humain في الحقيقه, لكن beaucoup d'êtres humains ils ne veulent pas le khair, والا الله سبحانه وتعالى nous a facilité. Celui qui fait tawba, que ça soit d'un péché, que ce soit d'une innovation, que ce soit de la mécréance, que ce soit un juif, un chrétien, ou un daïf, daïf ou l'imam min al-muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte sa tawba. Bichard, une condition, c'est que hada tawba, ce soit un tawba, comme a dit ici, nasouh, ay bichurouti, ou bichuroutiha, at tawba. Et on avait fait une kalima avec certains frères sur at-tawba, an-nasuh, et le repentir sincère. Et on avait détaillé, walillahi alhamd, les conditions. Et parmi les conditions principales, al-ikhlas. Al-insan yatub, pourquoi il se repent, pourquoi il demande pardon, limadha li'annahu, il regrette, et il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne fait pas tawba pour autre chose. Donc, التوبة عبادة لله كذلك من الشروط المهمة أنه يفضل يسير البشي كذلك من الشروط المهمة سيعبر l'intention de ne pas refaire ce péché. Et كذلك il y a des شروط par rapport à si le dhamb il est lié à un autre, مثلا s'il lui a pris quelque chose il doit lui rendre إلى آخر. فالذي يتوب avec هذه الشروط فالله سبحانه وتعالى il accepte sa توبة. Et أحياناً الإنسان ربما يفبلي يفعل ذنب ثم يتوب ثم يرتombe dans الذنب, dans le péché. Et بعض الناس يفكر أنهم لا يستطيعون فعل التوبة. Et ça c'est من الجهل. فتأمل قوله لم يزل يتوب على التائبين. لم يزل ça montre l'استمرار. Et à chaque fois que l'insan fait التوبة, Allah il accepte. Fais attention à الشيطان. Annahu, il essaye de te faire croire, Anna, tu as déjà fait tawba. Thumma, tu refais ce péché, et il va te faire croire que ce n'est pas sérieux. Que Annaka, tu te moques. Hatta, tu délaisses cette tawba. Tu délaisses le repentir, et shaitan, il te sallat alayk. Ihdhar. L'essentiel, c'est que quand tu fais tawba, tu as vraiment l'intention de ne pas retomber dans le péché. Thumma, si tu as une faiblesse et tu refais ce péché, refais la tawba. Allah, il accepte. La'alla, tu vas refaire tawba et tu ne referas plus ce péché ou tu meurs. Si tu refais encore ce péché, refais tawba wa jahid nafsak. Jahid nafsak, tu fais tout pour ne pas le refaire. Et si tu faiblis, refais tawba. La solution, ce n'est pas de délaisser tawba. La solution, c'est de comprendre pourquoi tu refais ce péché. Peut-être que c'est un mauvais entourage. Peut-être que c'est un manque de ilm. Peut-être que c'est une faiblesse de foi ou la shak. Insan, il étudie les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il apprend sa croyance, il essaye de côtoyer des gens pieux et il ne désespère pas. Qala rahimahullah wa tawbatuhu ala 'abdihi naw'an. Qabla dhalik, on oublie de lire l'adillah. Si j'oublie, rappelez-moi. Qala fil hashiya wa dalil hadha al-ism. قال الله تعالى لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات أن الله هو التواب الرحيم. الشاهد قوله هو أن الله هو التواب الرحيم. هذا الاسم il est واضح dans ce verset, le dalil il est clair. قوله وهو التواب الرحيم, ça montre que هذا الاسم في المعنى il est lié à اسم الرحيم. Et كذلك اسم العفو واسم الغفور والغفار. Tous ces noms, le معنى, il est proche. أي أن الله سبحانه وتعالى il pardonne. Il accepte le repentir. أن الله سبحانه وتعالى il pardonne à son عبد. قال وتوبته على عبده نوعان، أحدهما أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه، فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع عن المعاصي والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها واستبدالها بعمل صالح. التوبة أو توبة الله على عبده، دونك الله ستتوب أي يتوب على العبد، هذه التوبة لدو كاتيجوري. لا بروميير أنه يوقع في قلب عبده التوبة أي يوفقه، أي أن الله سبحانه وتعالى سلوي كي فاسيليت ا سيت اوم و سيت فام دو بونسي ا فير توبة اي دو فولوار فير توبة. سا سي اون نعمة، الإنسان لابد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. cette توبة que tu as faite, اعلم أن celui qui t'a facilité à penser, à vouloir la faire, c'est Allah عز وجل. لماذا؟ لأنه ستواب ويحب التوابين سبحانه وتعالى. قال فيقوم بالتوبة، فيقوم أي العبد بالتوبة وشروطها. ثم il a cité quelques conditions qu'on a cité ensemble. Ça, c'est un chart très très important, une condition très très importante. L'insan, il délaisse ce péché. Il a cette intention de faire tawba et il délaisse le péché. Il regrette. Et ça, ça montre husn an-niyya. Ça montre que هذا الإنسان, il a une bonne intention. لماذا؟ لأنه يندم. Il regrette. C'est pour ça que ça arrive que Wahid, il est vraiment sincère et il regrette et il délaisse un péché. Thumma, il faiblit et il refait ce péché. Thumma, quand il le refait, il regrette. Fafi hadha al-hal, ne désespère pas. Refais tawbah. Patiente et fais encore plus d'efforts. Et idnillahi azza wa jalla, la deuxième fois, tu ne le referas plus. Si tu le refais, fashtahid. Ne désespère pas. Et tawbilallah. Et cette tawbah, c'est une ibadah. Et لعل الله سبحانه وتعالى il te guide et tu ne refais plus ce péché. على كل حال الإنسان ne désespère pas. قال والعزم على أن لا يعود إليها. Et ça c'est important. العزم c'est une نية قوية. Être sûr. أنه je ne referai plus ce péché. ثم يتوب. قال واستبدالها بعمل صالح. Et ça c'est important. لأن بعض الناس تعودوا على بعض الأعمال. Et c'est des ma'asya ou des mukhalafat ou des bid'a. Et ils ont du mal à délaisser ces choses. Et parmi les moyens pour ne plus retomber dans ce péché ou cette mukhalafa ou cette innovation, c'est de remplacer cette chose par une ibadah, une ta'a, une sunnah. S'occuper. لِيَنَّ كَثِيرٌ مِنَ الْمَعَاصِي تَأْتِي مِنَ الْفَرَاغِ. بعض الناس يفعلون ma'asya. لماذا؟ لأنهم ils ne sont pas occupés. L'insan, s'il ne s'occupe pas avec du bien, il sera occupé par shir. Si son cœur n'est pas occupé par l'ilm, par le tawhid, par l'aqida, il a akhri. Shaitan, il trouvera ce cœur vide et il s'installera dans ce cœur. Et il fera beaucoup de mal à cette personne. هذه c'est une faïda azim. قوله واستبدالها بعمل صالح. Tu fais des efforts pour délaisser الذنب et كذلك tu le remplaces par quelque chose de مشروع. وهذا كذلك تستفيده جدا في الدعوة. كم من الناس يفعلون بدع مثلا. On peut donner l'exemple après الصلاة. Ils ont l'habitude de faire certaines choses. بعض الناس ils ont un manque de حكمة فيقولون مثلا لا ça c'est une بدعة et ils s'arrêtent ici. Et هذا الإنسان il comprend pas, il a l'habitude. أولا pour lui il a pas la notion de بدعة, pour lui il est en train de faire du ذكر مثلا. فأنت tu dois lui montrer أولا que al-dhikr c'est quelque chose de tayyib, c'est mashrou, mais la façon dont il l'a fait, c'est pas comme cela. Donc moi tu lui montres que le fait de ne pas faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça al-bid'a. Puis tu lui montres le mashrou. Tu lui montres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait telle chose. Et si tu lui cites avec cela la récompense, la chacun il aura beaucoup plus de facilité d'accepter, khassatan si tout cela c'est accompagné avec le bon comportement. هذا قوله واستبدالها بعمل صالح. Ça peut être pour toi ou si tu montres à quelqu'un d'autre. والثاني أي la deuxième catégorie de tawbah, la première donc c'est avant at-tawbah, c'est Allah qui facilita à la personne. وَالثَّانِي تَوْبَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ بِقَبُولِهَا وَإِجَابَتِهَا وَمَحْوُ الذُّنُوبِ بِهَا فَإِنَّ التَّوْبَةَ النَّصُوحَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا. نعم, فالله سبحانه وتعالى ستواب أي il accepte التوبة, il facilite التوبة et il l'accepte. فcelui qui fait التوبة avec ses conditions, il est sincère, فالله سبحانه وتعالى il efface tous ses péchés. ولو si c'est des كبائر, ولو si c'est du shirk, ولو si c'est des grands péchés, ولو si c'est de la mécréance, مجرد التوبة الإنسان il est sincère, il est عازم لا يعود ويندم et il regrette. فمجرد que son cœur et là, cette attention, et il fait tawbah, il se repent, Allah, il lui efface. Ou alors, c'était des années. Ou alors, c'était des décennies de dhunoub. Allah, il lui pardonne tout, à l'instant même. Fahada huwa at-tawwab. Fahada al-ism, fal-haqiqa, al-thamarat kathira. Et on les a déjà cités, et on peut les récapituler. اولا الثمر العظيم ان الانسان لا يقنط من رحمه الله عز وجل نو ديزيسبير جامي. لماذا؟ لان الله عز وجل ستواب. فهذا الاسم سين بوشر عظيمه pour chaque مؤمن. وبعض المؤمنين à cause de leur ignorance ils désespèrent et ils pensent que ils ont trop fait de péché, ils ont dépassé les limites. Le fait de penser que tu as dépassé les limites في هذا الباب c'est une ignorance عياذا بالله très très grave. Est-ce que tes péchés sont trop pour la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que tes péchés sont trop nombreux? Allah ne peut pas te les pardonner. Na'oudhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala c'est tawwab, c'est le ghafour. Faqad c'est le shaitan qui essaye de te faire croire hada pour ne pas que tu fasses tawbah. Limada? Lianna al-shaitan al-rajim al-la'in il n'a pas fait tawbah. Et il ne fera jamais tawbah. Et il mourra sur sa mécréance et il finira éternellement en enfer et il veut attirer le plus de monde. Falihada, il essaye de tout faire pour écarter khasatan al-mu'minin min at-tawbah. Et kadhalika al-kafirin. Donc la première thamara, le premier fruit, si tu as compris hada al-ism, adam al-qunut min rahmatillah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هكذا يقول الله عز وجل قل لعبادي الذين أسرفوا أي دي à mes serviteurs qui ont dépassé أسرفوا ça veut dire l'israf l'israf c'est le fait de gaspiller هنا c'est بمعنى qui ont fait beaucoup de péchés لا تقنطوا من رحمة الله ne désespère pas لماذا إن الله يغفر الذنوب جميعا تأمل قوله جميعا. Ça englobe tout. Ça englobe le meurtre, la mécréance, le shirk, les innovations, les péchés. Ça englobe tout. Faqat tub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kedhalik, al-thamara al-azima de hada al-ism. Bien sûr, on fait tawbah. On passe à l'action. C'est pas mujarrad des paroles et des envies. Là, fais tawbah, délaisse les péchés. Écarte-toi des mauvaises fréquentations. Kedhalik, من ثمرات هذا الاسم أن تمنت أزطر هذا الفضل العظيم في دعوتك تأنسست في هذا أن si tu fais التوبة فالله il te pardonne tout et tu lui montres مثل هذه المعاني et tout ça bien sûr ça aide الإنسان à s'écarter des ذنوب. فهذه بعض الثمرات لهذا الاسم العظيم ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. قال رحمه الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه. تقدم معنا الإشارة إلى هذا النوع من الأسماء أي الأسماء المضافة, وبعض أهل العلم يقولون أن مثل هذا الاسم جامع الناس مضاف ومضاف إليه في الحقيقة لبعض سينفعل أي أن الله سبحانه وتعالى سيجمع جميع الناس يوم القيامة. فبعض العلماء يقولون أن هذا سينفعل من باب الإخبار سبعن. والشيخ سعدي وغيره من العلماء ذكروا في الأسماء et on répète l'essentiel c'est de comprendre المعنى ستستفيد منها et celui qui a la conviction أنه سينفعل فالحمد لله il a des salafs في هذا. والدليل على هذا الآية المعروفة من سورة آل عمران: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. قال رحمه الله: جامع الناس ليوم لا ريب فيه وجامع أعمالهم وأرزاقهم، فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جامع الناس، جامع c'est celui qui va rassembler. الناس c'est les gens. Cheikh Sa'di a cité plusieurs sens. قال أولا: جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي أن الله سبحانه وتعالى c'est celui qui va rassembler tout le monde dans un jour la raiba fi. Ce jour, il n'y a aucun doute qu'il arrivera. La raiba fi. Fa hada tastafid minhu une faida azima, bien sûr, que l'insan la ya'ish kalbaha'im, comme un animal, ayadan billah. Annahu il oublie ce jour. Et كذلك hada c'est min akbar ma يزجر الإنسان في هذه الدنيا. C'est une موعظة عظيمة pour chaque مؤمن. أن un jour arrivera tu mourras. Et on est tous d'accord هذا. Tout le monde, المسلم والكافر الجاهل والعالم, tous d'accord qu'on mourra tous. إنك ميت وإنهم ميتون. كل نفس ذائقة الموت. Tout le monde est d'accord. Tous les êtres humains sont d'accord que tout le monde mourra. لكن en tant que mu'min, tu sais que tu mourras et tu sais que tu seras ressuscité. Tu seras ressuscité pour rendre des comptes dans ce jour azim. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fiyah. Il n'y a aucun doute. Enfin, si tu as cette conviction et tu connais le sens de hadha al-ism jami'un nas, on a chaque que tu vas te préparer. Aujourd'hui, si tu as un rendez-vous fi dunya pour un travail, probablement tu vas te préparer. Ou pour passer le permis, tu dois te préparer. Hiyanan, c'est des choses futiles. Ça demande shay mina le fait de se préparer. Enfin, que dire de hadha al-yawm? Le permis, fil haqiqa, tu l'as pas, tu vas le repasser une deuxième fois. Tu l'as pas une deuxième fois, tu vas le repasser une troisième fois. Tu l'as pas du tout, al-amr sahl. Il y a des autres moyens de transport, il a akhir. Tu peux t'en passer. أما هذا اليوم، هذا اليوم العظيم، c'est pas un diplôme, c'est pas un permis. Là, c'est ton avenir. Et c'est l'avenir al-haqiqi. C'est pas l'avenir de dunya. Tu vas travailler, tu ne vas pas travailler al-amr sahl. Tu vas vivre, tu vas mourir comme tout le monde. لكن هنا في هذا اليوم tu seras jugé, est-ce que tu vas rentrer fil jannah ou tu vas rentrer en enfer, paradis ou enfer, pour l'éternité. Et certains mu'min, ils rentreront en enfer, fil jahannam, et ils sortiront. À la kulli hal, si on prend le point de l'éternité, va imma al-jannah, imma al-nar, iyadun billah. Donc, celui qui se rappelle de hadha, une thamara azima, il va acquérir un fruit. C'est quoi? C'est Anahu, il va se préparer pour ce jour. La chose la plus utile, la plus importante pour ce jour, c'est At-Tawhid. Comme dans le hadith Al-Bitaq. Un homme, ce jour, il aura énormément de péchés. Et ces péchés seront placés sur un côté de la balance. Thumma, une carte, elle sera présentée, elle sera posée sur l'autre côté. Hatta hadha ar-rajul, il dira, va. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette carte, هذه البطاقة, par rapport à tous ces registres de nous? هذا الرجل, il faisait beaucoup de péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dira, إِنَّكَ لَا تُضْلَمْ. Tu ne subiras aucune injustice. Tu as cette hasana, cette carte, elle sera posée. Sur cette carte, il sera inscrit الشهادة, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Et cet homme, il faisait des péchés, lakin il était sincère. C'était un mouahid, lakin il avait des faiblesses. Quand la carte elle sera placée sur un plateau, un côté de la balance, elle sera beaucoup plus lourde. Belle, tous les péchés seront éjectés, comme a déjà fait le hadith. Et il sera sauvé. C'est sur ça que tu dois te préparer, akhi al-karim. Hada tawhid, est-ce que tu connais le sens? Est-ce que tu connais ses piliers? Est-ce que tu connais ses annulatifs? Est-ce que tu connais shirk, tout ce qui le contredit? كذلك ما يتعلق بالصلاة بالحج بالصيام بالزكاة أركان الإسلام etc. Applique ton din, c'est la seule chose qui te sauvera في هذا اليوم. Et on a détaillé ensemble, ولله الحمد, toutes ces مسائل dans la série de cours qu'on a fait sur مراحل الآخرة, les étapes de l'au-delà, ولله الحمد. قال وأرزاقهم فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تأمل deux choses, الأعمال والأرزاق. الله سبحانه وتعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه وجامع أعمالهم وأرزاقهم. Chaque chose, فالله سبحانه وتعالى قدرها وخلقها, que ça soit tes œuvres, que ça soit الأرزاق. ثم قال فلا يترك منها صغيرة ولا كثير ولا كبيرة إلا أحصاها. تستفيد من هذا أن في هذا اليوم toutes tes œuvres, que ce soit les petites ou les grandes, elles seront présentées. Elles sont inscrites. لا تظلم. فكذلك تستفيد من فائدة عظيمة أنك fais attention à tes œuvres. Si elles sont bonnes, ça sera en ta faveur. Si c'est des mauvaises œuvres, ça sera contre toi. يوم القيامة. Et قوله فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا c'est مأخوذ d'un verset de القرآن الكريم من سورة الكهف. قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين. هذا c'est في هذا اليوم العظيم. Ce jour-là, قال عز وجل ووضع الكتاب. Chacun son livre, il sera présenté. On a tous un livre. Les anges, ils inscrivent tout dans ce livre. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. في هذا اليوم, ça sera le jour des regrets. Pour كثير من الخلق. Beaucoup de gens, ils regretteront. لماذا؟ لأن les œuvres, elles seront présentées. Celui qui n'a rien préparé. Celui, عياذ بالله, toute sa vie, il était pire qu'un animal, kufr wa jahl, et abid li batnih wa farjih. عياذ بالله, il adorait son ventre, il adorait ses passions. بعض الناس, ils n'ont rien préparé. حال الكفار. قال عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ils seront déçus, ils regretteront. Bel ba'dhum, كثير منهم, ils voudront revenir. Lakin, ça sera trop tard. Ma li hadha al-kitab. Et c'est quoi ce livre? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Et chaque chose, les petites et les grandes, elles sont inscrites. Et les comptes. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Fa al-kafir, il sera, iyadan billah, il sera fi hal shadid. Yawmun asir. Pour le kafir, comme قال الله عز وجل, ce sera un jour très très difficile pour le kafir. قال سبحانه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا, أي tout ce qu'ils ont fait, ووجدوا ما عملوا حاضرا. Quelque chose de حاضر, c'est quelque chose de présent. On dit فلان, il est حاضر معنا, il est présent. Enfin, toutes les œuvres de cet être humain, toutes ces œuvres, elles seront présentes. ثم قال عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. Et Allah, il est injuste envers personne. Aucune œuvre que tu n'as pas faite, elle sera rajoutée sur toi. C'est de l'injustice. Tu n'as pas fait, c'est pas enregistré. نعم. Et ce que tu as fait, ça ne sera pas retiré, c'est enregistré. هذا حال الكافرين المجرمين. وتأمل في سورة الأنبياء نطخ غرسي في هذا المعنى. قال الله عز وجل فمن يعمل من الصالحات. Ça c'est pour le مؤمن. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. Ça c'est une بشرة عظيمة. الله سبحانه وتعالى سجامع الناس ليوم لا ريب فيه. Et من معاني هذا أن الله سبحانه وتعالى سجامع أعمالهم. Et toutes ces œuvres de chaque être humain seront rassemblées. On a expliqué le cas du kafir. T'amènes le cas du croyant. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَكُفْرَانَ لِسَعْيَهِ. Celui qui fait des œuvres, des bonnes œuvres, et c'est un mu'min, fala kufran li sa'yih. Même si les gens ne sont pas d'accord, même si les gens ils te critiquent, même si les gens ils disent que tu es un égaré, même si les gens ils disent que tu fais rien, si tu as vraiment fait et tu es guidé, la tubali, ne donne aucune importance à ce qu'ils disent. Yawm al-qiyama, tu trouveras. Si tu es guidé, tu es guidé. Même si un tel dit que tu es un égaré, un innovateur, un ce qu'il veut, si tu es vraiment guidé et tu appliques le Coran ou le Sunna, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est shakur. Et ça y a-t-il ma'na hadha l'ism. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est shakur. Ay, min ma'ani al-shakur, en Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte les œuvres de la personne et il le récompensera. Al-shakur, al-shukr, c'est le contraire de l'kufr. Al-kufr, c'est celui que malgré que tu fais, il t'accusera, tu ne fais rien. قال عز وجل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وإنا له كاتبون أي tout est inscrit فلا تخف tu ne seras pas opprimé أبدا فces deux versets في الحقيقة تستفيد منهما فائدتين عظيمتين الخوف والرجاء le premier الخوف fait attention tes œuvres si elles sont mauvaises عيادا بالله ف Al-insan, il sera très déçu au moment du qiyam. Et on a lu le verset. Mali hadha al-kitab. Et c'est quoi ce livre? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ça, ça doit nous pousser à la peur. Et qawluhu azza wa jal, faman ya'mal min as-salihat wa huwa mu'min, fala kufrana lis-sa'yih. Et celui qui fait des œuvres, et c'est un mu'min, fala kufrana lis-sa'yih. Et ses œuvres ne seront jamais gaspillées, délaissées. Abadan, Allah, il le récompensera. Ça, c'est une bouchera et ça nous permet d'espérer. وإلا فالناس عيادا بالله بين إفراط وتفريط قليل ceux qui sont le juste milieu بعضهم ربما ils t'encouragent, ils te complimentent, ils exagèrent alors que tu n'as pas fait grand chose. Ça c'est d'aucune utilité. Même si les gens ils te gonflent, ça c'est d'aucune utilité. بعضهم c'est l'inverse عيادا بالله. Tu leur demandes rien, tu les connais même pas et il a pas fait, il a fait, c'est un innovateur, c'est un cadre et tout ça fondé sur des mensonges. La tubali. Ça ne fait aucun mal, hada fil haqiqa. Bel, c'est lui qui se fait du mal. Bel, fil haqiqa, il est en train de te rajouter, de te préparer des hasanat pour yawm al-qiyama. Lana, s'il est injuste et il te critique, fa yawm al-qiyama, il rendra des comptes. Fa hada, min ma'ani hada l'ism al-azim. Qala, wa jami'u, ma tafarraqa, wa stahala min al-amwat, al-awwalin, wal-akhirin, bi kamal qudratihi, wa sa'ati ilmih. Et هذا, ça revient au معنى précédent. أي أن الله سبحانه وتعالى جامع ما تفرق واستحال. استحال أي تحول إلى حالة أخرى. استحال أي تحول. مثلا, l'être humain sur terre, c'est un être humain chair, fait de chair, de sang, d'os, إلى آخره. Il meurt, ربما il devient poussière. بل ربما si tu creuses la tombe, tu ne trouves plus rien. Au bout de dizaines d'années, centaines d'années. Allah subhanahu wa ta'ala jami' هذا الانسان ولو اكلته الحيتان في الماء même si il s'est fait manger par des poissons dans l'eau ou par un animal féroce, Allah subhanahu wa ta'ala yajma' badanahu yawm al-qiyamah. Ça revient au معنى précédent, al-insan, il oublie jamais هذه المعاني. Al-Kuffar, l'imada, ils ont atteint ce niveau d'égarement, yadam billah. On dit même plus, c'est comme des animaux, c'est pire. Mais les animaux, wallahi alhamd, ils ont certaines limites et ils font le pourquoi ils ont été créés, ils appliquent. Ils mangent, ils se reproduisent, c'est des animaux. Et kathir minhum, beaucoup d'animaux, ils ne sont pas injustes, ils ne font pas de mal. La plupart des animaux, ils ne font pas de mal. Si tu les provoques pas, ils ne t'approcheront jamais. La plupart, certains, là, certains, ils attaquent. فالكافر المجرم n'a plus aucune limite. Yadam billah dans les shahawat, dans les ma'asi, dans le kufr, dans les pensées, ils ont atteint un niveau. Yadam billah, ils ont été très très loin dans les garments liman. Les annahum, ils n'ont plus aucune notion de هذه المعاني. La plupart l'an, c'est des malahida. La plupart l'an, c'est des athées. 100%, ils n'ont plus aucune croyance. فَلِهَذَا عِيَّنَمْ بِاللَّهِ مِنْ سَفَهِهِمْ tellement qu'ils ont été loin dans l'égarement, يَأْمُرُونَ أَقَارِبَهُمْ إِذَا مَاتُوا de les brûler. Tu as déjà vu un égarement mitlahada. Al-fitra. Fitratul insan, il n'aime pas le feu. Vivant ou mort. Pour dire, encourager, Rabbama, payer ta famille, ayyadam billah, pour qu'il te brûle après ta mort. Ayyadam billah, c'est un égarement très très grave. Et ça, c'est min iqab illahi azza wa jal. Annahum, de leurs propres mains, avant d'être enterrés, ils se châtient. Eux-mêmes. النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم il nous a ordonné de faire attention avec le mort. Il y en a, si tu lui casses un os et il est mort, enfin c'est comme si tu le cassais, il est vivant. Ça montre qu'il ressent et qu'on doit faire attention. On dit pas khalas, il est mort et on fait ce qu'on veut là. Ma balou, c'est pas casser un os, c'est brûler le corps. Ayyadam billah. قال رحمه الله الجبار والدليل قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الجبار من أسماء الله عز وجل. قال رحمه الله الجبار بمعنى العلي الأعلى وبمعنى القهار وبمعنى الرؤوف. تقدم معنانا beaucoup de ces noms qu'on a étudiés ensemble, ils ont un sens qui ressemble à un autre nom. تقدم معنا كثيرا. فالجبار, le sens il ressemble à اسم العلي qu'on a vu. العلي الأعلى, أي Allah سبحانه وتعالى, il est au-dessus. كذلك ça ressemble à اسم القهار qu'on verra ensemble بإذن الله عز وجل, et à اسم الرؤوف. Et اسم الرؤوف ça ressemble à اسم الرحيم. Al-Jabbar, il a plusieurs sens à hadal ism. Qala wa bima'na ar-ra'uf al-Jabbar lil-qulub. La'allahu san khata hadha. Qawluhu al-Jabbar lil-qulub, ka'annahu al-Jabir lil-qulub. Al-Jabir lil-qulub, li'anna sayati ma'na anna min ma'ani al-Jabbar ay alladhi yujbir. Qala al-Jabir lil-qulub al-munkasira وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. Donc هذا الاسم في الحقيقة tu as deux معاني, tu peux le diviser en deux niveau sens. المعنى الأول, celui qui est connu de la plupart des gens, الجبار بمعنى العلي القهار, كذلك العزيز. العزيز, اسم العزيز, ça ressemble à اسم الجبار. Et inshallah on détaillera hada fi quand on arrivera à ism al-aziz. Et l'autre le معنى c'est bien معنى الرؤوف. قال الشيخ سعدي رحمه الله وله ثلاثة معاني كلها داخلة باسمه الجبار فهو الذي, ça c'est le premier معنى, فهو الذي يجبر الضعيف وكل قلب منكسر لأجله فيجبر الكسير ويغني الفقير وييسر على المعسر كل عسير. هذا المعنى كثير من الناس لا يعلمه بغبغ هذا الاسم الجبار, أي بمعنى الرؤوف, أي أن الله سبحانه وتعالى c'est lui, si son serviteur il est touché par une maladie ou par la pauvreté ou par quelque chose qui lui fait du mal, c'est Allah سبحانه وتعالى qui lui donnera une chose pour le soulager. C'est Allah سبحانه وتعالى qui guérit, c'est Allah سبحانه وتعالى qui donne à qui il veut, que ça soit la science, que ça soit le rizq, la nourriture ou autre. Qala wa yuyassir ala al-mu'sir kull 'asir. Et ça c'est un معنى جامع. Et celui qui est touché par une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Jabbar. Et yujbiru, et il va donner, il va soulager son serviteur avec une ni'ma. Imma il va le guider, imma il va lui donner quelque chose de dunya, imma il va lui pardonner. Qala wa yujbiru al-musab bi tawfiqihi lithabat. Ay, celui qui est touché par une musiba, la perte d'un enfant, par une maladie, par la pauvreté, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Jabbar. Ay yuwaffiquhu lithabat. Il va lui permettre de patienter. Qala wa as-sabr ويعيضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجبها كذلك il le récompensera. Hada, vous avez remarqué, tout ça c'est fondé sur qawlihi fa huwa alladhi yujbir al-dha'if. Yujbir al-jabr, ça vient de ism al-jabbar. Hada al-ma'na. Et c'est le fait de renforcer, aider, soulager. Qala wa yujbiru jabran khassan qulub al-khadi'in li'azamatihi wa jalalihi wa qulub al-muhibbin bima yufid 'alayha min anwa' karamatihi wa asnaf al-ma'arif wa al-ahwal al-imaniyah. فقلوب المنكسرين لأجله جبرها نعم أو جبرها دان قريب ينظر هذه الكلمات المعنى لا بالغ واضح إلا سيون منكي quelque chose نعم لأجله جبرها دان قريب نعم هذا ينظر يحتاج مراجعة قال وإذا دعا الداعي فقال اللهم اجبرني فإنه يريد هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه. هنا إلى résumé le premier معنى. قال اللهم اجبرني. Si tu dis هذا الدعاء, ça montre que Allah سبحانه وتعالى c'est le jabbar. Et هنا المعنى أي يريد هذا الجبر. هذا الجبر أي ce sens الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه. C'est هذا المعنى من معاني الجبار أي أن الله سبحانه وتعالى يصلح العبد. الله سبحانه وتعالى va améliorer la situation de هذا العبد. Il était malade, il va le guérir. Il était pauvre, il va lui donner. Il était égaré, il va le guider. Il est touché par un problème, il va lui permettre de patienter. قال ودفع جميع المكاره عن. Et كذلك الله سبحانه وتعالى va repousser tout ce qui touche ce عبد comme mauvaise chose. Ça peut être le mauvais œil. Ça peut être le shaitan, ça peut être la pauvreté, ça peut être un ennemi. هذا سمن معاني الجبار. Et قوله فقال اللهم اجبرني هذا في الحقيقة جاء في حديث عن ابن عباس ورضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين. النبي صلى الله عليه وسلم il disait entre les deux سجود. On parle pas de التشهد. التشهد c'est autre chose quand tu lèves le doigt. At-tahiyyatu lillah, ça c'est autre chose. Là on parle entre les deux sajda. Al-dhikr al-ma'rous, c'est de dire Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Hada c'est un dhikr mashrou'. Kadhalik hada al-dhikr. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam il disait Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Al-hadith rawah al-imam al-Tirmidhi wa ghayruh et sahahahu al-imam الألباني رحمه الله. هذا الحديث من جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لي. أي كالله سبحانه وتعالى نبغضن نفوت. وارحمني. أي كالله سبحانه وتعالى نفاس ميزيكورد. واجبرني. C'est ce sens qu'on vient de citer. قال واهدني. لا guider. وارزقني. أي الرزق. Que ça soit ce qui est lié à la religion, à l'ilm, la guidée, etc. ou à dunya. Fa fil haqiqa, hada dua, il englobe al-khayr kulla. Que ce soit niveau de din, ce que tu as besoin pour ta religion, ou ce que tu as besoin pour à dunya, pour ce bas monde. Et il est mukhtasar, l'insan yahfadu, et entre les deux sujoud, fa yakoul mitla hada dhikr. Et avec des autres athkar. Qala, wal ma'na thani, ay, ism al-jabbar, il a trois ma'ani. On a vu ensemble la première. La deuxième, قَالَ أَنَّهُ الْقَهَّارُ لِكُلِّ شَيْءٍ الَّذِي دَانَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَخَضَعَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ. نعم. Et هذا c'est المعنى qui est معروف عند الجميع أو عند كثير من الناس أن الله سبحانه وتعالى c'est الجبار بمعنى القهار. أي الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de tout le monde. بذاته كما تقدم معنا في العلي وكذلك العباد sont تحت حكمه فpersonne ne peut sortir من ملك الله تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى s'il a décidé que فلان soit égaré personne ne peut le guider si Allah il a décidé de guider une personne quelconque personne ne peut l'égarer Allah سبحانه وتعالى il a décidé qu'aujourd'hui il fait froid فpersonne ne peut changer هذا Allah سبحانه وتعالى c'est le jabbar. Et toutes les créatures, ils sont sous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et هذا, on le verra en détail أكثر في أو عند اسم القهار إن شاء الله تعالى. قالوا المعنى الثالث, troisième معنى, أنه العلي على كل شيء. فصار الجبار متضمنا لمعنى الرؤوف القهار العلي. المعنى الثالث أي العلي. أي الله, الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de tout le monde. Et العلو تقدم معنا. Il y a trois catégories. علو الذات, الله il est au-dessus. Lui-même, il est au-dessus de son trône, au-dessus de toutes les créatures. Ulu al-qadr et ulu al-qadr wa al-sifat. Et le troisième, là, ulu al-qahr, ahsan. Ulu al-qahr. Et ça revient à ism al-qahr. Vous avez remarqué que ism al-ali wa al-qahr, ils sont liés dans une ma'na, an Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ali, ay ulu al-qahr. Ça revient à ism al-qahr. قال فصار الجبار متضمنا لمعنى الرؤوف القهار العلي وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل السوء ونقص. ça va revenir à اسم الكبير, اسم المتكبر المتعال, كذلك اسم العلي, أي أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de toute imperfection, il est au-dessus de tout défaut, de tout manquement. وعن مماثلة أحد, أي الله سبحانه وتعالى il ressemble à aucune de ses créatures. وعن أن يكون له كفء أو ضد, الكفء ça ressemble au مثيل, قال أي niveau ressemblance, قال أو ضد, personne ne peut s'opposer à Allah سبحانه وتعالى أبدا, Allah il fait ce qu'il veut. قال أو سمي, ça ressemble à كفء et à مثيل, قال أو شريك في خصائصه, الشريك سي لاسوسي, وحقوقه سبحانه وتعالى. فهذه معاني عظيمة, هي الثمرة كما تقدم في اسم العلي والأعلى, كذلك dans d'autres أسماء, أن الإنسان هذه المعاني ça va le pousser كذلك الخوف bien sûr, لأن الله سبحانه وتعالى سي الجبار سي القهار, il est capable de tout. Azza wa Jal. Et كذلك ça va le pousser à raja, à espérer. Ay, an Allah subhanahu wa ta'ala yujbiru al-dha'if. Wa كذلك kullu qalbin munkasir, comme a dit le Cheikh Saadi. Ay, le premier sens qu'on a vu ensemble, wa lillahi alhamd. Ibn al-Qayyim rahimahullah, lahu kalamun jamil fi hadha. اسم التواب, قال ابن القيم رحمه الله, on revient à اسم التواب avant de conclure, قال كما في مدارج السالكين فتوبته وبين توبتين من ربه سابقة ولاحقة, كما تقدم من كلام الشيخ سعدي, توبة الله سبحانه وتعالى elle est entre deux توبات جعب, فتوبته بين توبتين أو plutôt la توبة du serviteur, elle est entre deux tawbah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala c'est tawbah, il est tawb ala abdi. Et l'insan kadalik, il doit faire tawbah. La tawbah de l'être humain, elle est entre deux tawbah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, fa innahu taba alayhi awwalan idhnan wa tawfiqan wa ilhaman. La première tawbah d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'avant que l'insan fasse tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala il lui facilite. Et il le guide pour que ce cœur il pense à faire tawbah et il regrette. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a wafaq hadha al-abd. Thumma qala, fataba al-abd. Donc l'être humain, il fait tawbah. Donc la première tawbah, la tawbah d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. Thumma l'être humain, il fait tawbah. Thumma, fataba Allahu alayhi thaniyan qaboulan wa ithaban. Thumma, après que l'insan il fasse tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il tawbah alayhi. Ay, il accepte توبة هذا الإنسان, il accepte son repentir. هذا معنى جميل. أما اسم الجبار فقال رحمه الله كما في شفاء العليل, فالجبار المتكبر يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسم العزيز. tu as اسم العزيز, et من معاني العزيز المتكبر والجبار. قال كما أن الباري المصور تفصيل لمعنى اسم الخالق. vous vous rappelez أن الخالق quand il est cité avec الباري والمصور, فالخالق c'est le créateur, Et celui qui a qaddar, et le bari, c'est celui qui crée, et l'action, et le moussawir, c'est celui qui façonne. Enfin, c'est la même chose avec l'aziz, et le jabbar et le mutakabbir. C'est pour ça qu'ils sont cités ensemble. Al-aziz ou le jabbar ou le mutakabbir, قال عز وجل. قال الإمام القيم فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك. C'est pour ça que اسم الجبار, on a dit le sens il ressemble à العزيز كذلك الملك كذلك القهار ولهذا كان من أسمائه الحسنى وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقص. فالجبار هذا الاسم bien sûr il est fondé sur une صفة كاملة. المتكبر كذلك الكبر صفة كاملة في حق الله عز وجل. أما في الإنسان فهذا سمذموم أنه كسواء جبار متكبر سمذموم في الإنسان. قال الله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فهذه الأوصاف في الإنسان المذمومة. لماذا؟ لأن الإنسان اللي ضعيف, لماذا يريد الكبر؟ لماذا يفرغ الجبار alors qu'il n'a rien, alors qu'il est ضعيف. أما الله سبحانه وتعالى c'est le جبار, c'est le متكبر. لماذا؟ لأنه c'est le ملك, لأنه il possède tout, أنه c'est le قوي, c'est le غني. فلهذا الله سبحانه وتعالى متصف بالجبر والكبر. Et c'est des صفات كمال في حق الله عز وجل. أما في حق الإنسان فسيد يضعف et c'est حرام. هذا كلام الإمام القيم رحمه الله, des précisions simples pour compléter كلام الشيخ العلامة السعدي رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر et on passe à notre deuxième درس إن شاء الله تعالى.